bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue dans le Lobster 162.0! Un lobster sous le signe de l'histoire. Et oui, je me suis amusé dernièrement dans mon arbre généalogique. Et ce que j'ai trouvé est quand même assez surprenant. Bon, mais avant de faire parler les morts, un petit mot sur le jeu que je développe. Mon jeu, là, Cité. Qui fait que je travaille depuis quand même un beau bout de temps, assez intensément. Et là, je suis très très proche de débuter les playtests. Je suis rendu, il me reste 21 cartes à faire. Ben, quand je dis les faire, c'est qu'il me manque un template. Il me reste 21 cartes de cité à faire. Là, c'est une sorte de carte spécifique. Puis dès que mon template est fait, je rentre le texte qui est déjà prêt, je rentre mes images qui sont déjà prêtes, je les rentre là-dedans, puis je vais avoir terminé. Donc j'ai 484 cartes qui sont déjà prêtes, j'ai les écrites dans Photoshop, puis après ça, je dois les j'ai suivi le format que mon frère m'a donné pour être prêt pour l'impression, puis qu'il y a une bordure dedans d'un 8 pour pouvoir les découper. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, c'est ça, c'est rendu immense à sauvegarder tout ça. J'ai 80 gigs de fichiers Photoshop juste pour mes cartes. J'ai 50 gigs d'images générées par intelligence artificielle. C'est toutes des photos en 4K. Puis des fois, je générais jusqu'à 10-12 images pour la même carte. Puis vers la fin, quand j'étais écœuré, j'en générais juste 3. Là, j'avais pogné le tour, puis je savais parmi les 2-3, je trouverais mon bonheur. Mais là, c'est ça, j'ai fait le tri. Il me reste 15 gigs de photos, donc il me reste 500 photos que j'ai gardées. Ça donne 15 gigs en photo 4K. Puis j'ai 80 gigs de fichiers Photoshop, mais après ça, à partir du fichier Photoshop, il faut que je fournisse des fichiers PDF à mon frère. Donc, ça commence à faire beaucoup de stock. Donc, faut pas que ma maison passe au feu, sinon c'est le bordel. J'ai pas de sauvegarde, j'ai pas sauvegardé rien dans le cloud. Là. J'ai pas assez d'espace pour sauvegarder ça. Donc, en ce moment, j'utilise deux disques externes sur lesquels je fais des backups alternés. Comme ça, c'est quand je fais des erreurs puis j'efface des choses par erreur, je peux aller chercher sur mes disques. Ça m'est arrivé hier soir. J'ai effacé des cartes par erreur et là, j'ai dit « Ah, merci Fred, tu venais de faire ton backup. » Donc voilà, c'est ça. Bientôt, je devrais pouvoir donner un disque à mon frère pour partir en impression. Puis là, les playtests vont débuter. J'ai vraiment hâte. Les cartes ont bien sorti. Les dessins sont magnifiques. La manière que j'ai fait mon design, je trouve ça quand même assez beau. J'en ai montré plusieurs là, des gens, puis on me dit que c'est quand même beau. Puis évidemment, une fois que les tests auront été faits, que le concept aura été amélioré, le jeu, puis qu'on sera fixé sur les vraies règles, qu'on aura fait les améliorations, là, j'irai vers un graphiste pour avoir un format final. Parce que je veux pas, si je suis obligé de modifier des choses qui ne marchent pas, je ne veux pas être obligé de refaire le template après. J'aime mieux travailler avec mon template qui est quand même déjà correct. Ça ne me coûte rien, on fait les tests, puis une fois qu'on est prêt, on va chez le graphiste, puis là on fait l'impression finale avant de passer à une autre étape. Puis ça va être quoi les autres étapes? Là? Je pense à ça. Il va falloir que je me crée un site web où ce que les gens peuvent venir me donner, peuvent venir discuter, peuvent venir qu'il y ait un formulaire qui peuvent me donner des idées d'amélioration, des idées de cartes pour le 7-2. Il faudrait que j'enregistre mon idée, avoir un brevet sur mon jeu. Ça, j'ai déjà trouvé le contact pour contacter la personne. Ça coûte 2 000-3 000$ pour enregistrer mes idées parce que tous mes dessins que j'ai faits dans le cadre du jeu puis tous mes papiers, c'est brevetable. Un peu comme avait fait Magic. Donc, j'investirai à ce moment-là, je crois, avant la sortie du jeu pour breveter mes idées. Et quoi d'autre que j'ai pensé aussi? Le site web, breveter les idées. Ah oui, il va falloir que je fasse des vidéos. Ça, j'ai mettrai sur YouTube qui explique le jeu. Là, j'ai fait les règles qui sont dans un gros document qui est immense, mais il faut faire des règles simplifiées que les gens peuvent lire, qui sont bien. Il me restera aussi peut-être à faire des cartes qui sont des jetons ou, tu sais, parfois, j'ai des cartes qui font apparaître un token d'une créature. Par exemple, ça dit, en tapant la carte, fait apparaître une carte de serpent, un rouge, nanana. Bien, je pourrais faire des jetons de ces cartes-là que les gens peuvent utiliser plutôt que mettre un dé. Puis quoi d'autre que j'ai pensé? Ah oui, peut-être faire des cartes sur lesquelles sont écrites chacune des capacités. Parce que comme dans Magic, j'ai beaucoup de... Par exemple, j'ai aquatique. Qu'est-ce que ça veut dire aquatique? C'est une créature qui peut être bloquée juste par des créatures qui nagent. J'ai céleste, ça c'est l'équivalent des créatures volantes. Mais après ça, j'ai plein d'autres affaires. J'ai toxique. Quand c'est écrit toxique 2, ça veut dire que dès qu'une créature touche à une créature qui est toxique, ben ça y fait automatiquement deux dégâts qui sont pas réparables. Après ça, il y a coup fatal. Coup fatal, c'est si une créature, même si ça fait juste un dégât à une créature qui a 8 de défense, quand tu as coup fatal, c'est comme si tu avais tapé avec ton couteau à bonne place. Fait que l'autre, elle meurt automatique. En tout cas, j'ai toutes ces affaires-là que je me suis dit, je pourrais faire des cartes explicatives que tu gardes avec toi, là, qui t'explique toutes les règles. Bon, en tout cas, on verra. C'est des idées que j'avais. Quoi d'autre? Je pense que c'est ça. Donc, c'est comme ça que débute ce Lobster 162.0. Rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you. Connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. And all the people you miss. Cyberheads, you should think twice, cause they will make your brain melt. New device, better price, keep you feeling impressed. Stop it all, every day we'll live a miracle. Unpredictable, you don't need an upgrade anymore. Can't you see the link? Don't worry, I will teach you how to take the pill to feel the thrill and touch it all. cabane à sucre qu'à la mode par chez nous. C'est à la cabane à sucre qu'on a fait un rendez-vous. Et oui, c'est le temps des sucres au Saguenay. Moi, je me suis commandé du sirop d'érable cette année. Moi, je consomme environ un gallon aux 2 ans. Ben, pas tout seul, là, mais avec mes 2 garçons. Puis chaque 2 ans, ben, je rachète un gallon de mon oncle Aurélien, qui habite pas loin de notre chalet là, à Lanc-Saint-Jean. Son sirop est toujours délicieux. La dernière fois, en plus, ça, il m'avait dit, ah, il dit, j'espère que ça te dérange pas, le sirop est un peu foncé. Puis, ben non, c'était encore plus délicieux. Il goûtait vraiment plus, puis c'était vraiment un sirop là, vraiment délicieux. C'est un petit peu ça l'avantage d'acheter du sirop là, qui vient de la famille. Ben, le sirop il est vraiment bien bouilli pour que ça goûte bon. Parce que, bon, c'est sûr qu'on peut l'acheter en magasin, le sirop, mais souvent c'est plus clair. Tu sais, la réserve là, de sirop du Québec, ils mélangent tout dans des barils, puis là, ils en vendent en épicerie, mais c'est du sirop mélangé, puis souvent, il est un petit peu plus clair. Pourquoi il est plus clair? C'est qu'il a été bouilli un petit peu moins. Moins tu le bouilles, plus il te reste de liquide. Parce que Bon, combien il faut de litres de sirop d'érable, hein, de mémoire, là, pour faire 1 litre de sirop? Donc, en gros, il faut 40 à 45 litres d'eau d'érable pour donner 1 litre de sirop d'érable. Puis c'est sûr que si tu arrêtes de faire bouillir au bon moment, bien, il va être un peu plus clair. Mais si tu continues à bouillir, il va se concentrer un peu plus et puis il va être un petit peu plus foncé, je crois. Puis c'est là qu'il prend d'autres saveurs puis que moi, je trouve ça encore meilleur. Si je regarde sur Internet, bon, d'après Internet, pour avoir du sirop d'érable, il faut faire bouillir l'eau jusqu'à 104-105 degrés Celsius. Donc, c'est à cette température-là que tu sais que ton sirop est prêt. Bien sûr, tu peux continuer. Puis si tu atteins 115 à 118, c'est là que tu as la tire d'érable. Donc, tu verses ça sans neige dehors, puis là, avec le petit bâton de popsicle, tu viens entourer, puis miam, miam, miam. C'est quoi qui vient après? Si tu continues, beurre d'érable ou crème d'érable, ça, c'est un petit peu... c'est différent pour l'enfer. Je pense que c'est compliqué de faire du beurre d'érable parce que il faut continuer à le chauffer à une température élevée puis le faire cristalliser tout en agitant. Je sais que mon oncle Aurélien, il en avait fait. J'avais vu sur Facebook, il me semble qu'il en a fait. Donc, il doit maîtriser comment le faire. Mais ça, j'en achète pas. En tout cas, j'imagine que ceux qui vont, quand il fait des parties de sucre, il doit en faire puis les gens doivent pouvoir en déguster. Mais bon, moi, j'achète juste le sirop d'érable. Puis c'est quoi qu'il y a d'autre? Il y a aussi une étape que je lis sur Internet, ça ne me dit rien, mais je pense que ça s'appelle la mélasse d'érable ou la graisse d'érable. Mais moi, dans ma mémoire, mon grand-père, lui, appelait ça de la crasse. Je me souviens, on allait à la sucrerie, que ça devait être chaque année, là, j'allais à la sucrerie de mon grand-père. La sucrerie était à environ 15 minutes de notre chalet. On se rend en auto, puis là, on prend un skidoo pour monter jusqu'en haut. En ce moment, elle appartient à mon oncle, au frère à mon père. C'est lui qui a hérité de la sucrerie. Puis quand j'y allais jeune, mon grand-père, lui, sortait parfois une grosse marmite en fonte qui avait une grosse marmite noire. Il l'accrochait là, sur 3 bâtons qui tenaient au-dessus d'un feu. Il mettait du sirop là-dedans qui venait de la sucrerie ou ce qui faisait bouillir. Puis là, il sortait ça dehors. Il nous en faisait bouillir sur le feu. Puis quand on atteignait la température de la tire, il nous versait ça sur la neige. Puis c'est ça, il y avait une des étapes, il appelait ça la crasse. Ça se mettait à bouillir, puis il y avait comme des impuretés qui tassaient d'un côté ou qui enlevaient avec sa louche. Je me souviens plus trop, mais la crasse, ça goûtait bon. Tu sais, c'est juste du sirop d'érable qui bouille. Fait que c'était délicieux. Puis là, nous, les plus jeunes, on avait toute une cuillère en bois qui nous servait pour la tire. Ou, quand on allait voir là, mon grand-papa qui était à marmite, on lui demandait si c'était prêt. Puis là, il dit non, mais il nous laissait tremper notre cuillère dedans. Mais c'était pas des cuillères qui avaient comme un fond pour pouvoir boire quelque chose, pour garder du liquide. C'est juste une cuillère en bois pour ramasser la tire, je crois, qu'on avait. Mais juste d'aller la tremper, elle ressortait quand même avec une couche de sirop d'érable qui restait dessus. Puis là, c'était ça, c'était le fun, aller tremper souvent notre cuillère, soit dans la crasse ou soit dans le sirop. Donc, c'était délicieux et gourmand. Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Pour vous dire que j'ai hâte de goûter à la cuvée 2025 du sirop que je devrais avoir bientôt. Là. Mes parents ont passé ma commande à mon oncle. Puis quand on devrait se voir, quand le sirop sera prêt puis que mes parents l'ont, ben on va se voir là, chez mon frère pour que je reçoive mon galon. Puis je vous l'étudie le truc pour conserver. Moi, quand je reçois mon sirop, on ouvre toujours une canne. Puis on se fait une dégustation dans un shooter, dans un petit verre à shooter. On le remplit, puis avec mes garçons, on goûte au sirop de la nouvelle année. Puis après ça, moi, je conserve ça dans un genre, je revite ça d'un pot maçon ou dans une bouteille en vitre. Puis tu gardes ça au congélateur. Au congélateur, il ne congèle pas. Il reste quand même assez liquide. Puis quand tu fais des crêpes, là, quand on fait des crêpes Suzette le samedi, recette qui est dans le livre de Jean Benoît et qui sont délicieuses. C'est les meilleures crêpes au monde. Juste d'en parler, j'ai le goût de manger ça pour souper. J'ai-tu des œufs pour en faire? Oui, j'ai des œufs. Ça fait qu'on mange des crêpes. Je mange des crêpes dans 5 minutes. Je vais prendre une pause du lobster. Je vais aller me faire des crêpes. C'est quoi je disais? Oui, c'est ça. Donc, quand tu fais tes crêpes, tu sors ton sirop là, 10 minutes à l'avance, puis il y a le temps d'en revenir vraiment liquide. Puis après ça, je le remets au congélateur où il redevient un petit peu plus dur et où il se conserve quasiment éternellement. Donc, on prend une petite pause. Pour vous, ça va être 2 secondes. Pour moi, ça va être un 15-20 minutes, le temps de me préparer des crêpes. On a tombé dans la cave à la motte par chez nous. On a tombé dans la cave d'une drôle de façon. Save me from the mind. nature. Ça fait du bien de se retrouver seul sur une île avec 10 000 mouches noires et un bon bol de Hallebrand. Hallebrand facilite la régularité, c'est-à-dire qu'il permet régulièrement de... Pardonnez-moi, je reviens tout de suite. Hallebrand, goûte méchant. Donc, c'est bon pour la santé. Ces petits grains ressemblent étrangement à de la litière à chat. Même mon chat s'y trompe. L'autre jour, j'ai laissé la boîte ouverte et je me suis retrouvé avec des Raisin Bran. Oh, excusez-moi! Un bon bol de Hallebrand constitue une excellente source de Hall, de Brun et de Bol. D'ailleurs, j'en suis à mon 4e aujourd'hui et laissez-moi vous dire que... Oh! Parlons maintenant de la pollution de nos lacs. L'absence de fosses septiques cause des torts irréparables à l'environnement. Et je... Les Hallebrand de Kellogg, à l'écoute de la nature... Pardonnez-moi. Désolé, mais je vais avoir besoin de la boîte de carton. Bon, de retour, j'ai mangé mes crêpes. C'était délicieux. J'ai pris une photo de mon sirop, je vous le mettrai peut-être sur la page Facebook du Lobster. Mon sirop, il est noir, il est vraiment noir, là. J'ai pris une photo, je vous mettrai ça sur le site Facebook si j'y pense. Puis quoi d'autre? Si vous voulez faire la recette des meilleures crêpes, c'est dans le livre de les nouvelles recettes de Jeanne Benoît. C'est toujours page 694. Je connais le livre, il est immense, mais je connais la page par cœur. C'est la seule recette que je vais toujours chercher là-dedans. Je vous l'ai pris en photo si jamais vous voulez la faire. C'est quoi la recette? Livre Madame Jeanne Benoît, la nouvelle encyclopédie de la cuisine, édition de luxe, page 694, crêpes Suzette. C'est facile, ça donne 3 crêpes, ce que je vous dis. C'est 2 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de farine, 3 œufs, une demi-tasse de lait, une demi-cuillère à thé de sel, puis une cuillère à soupe de vanille. Donc, tu mélanges, moi je mets tout dans le même bol, je mélange avec mon batteur. Après ça, je fais chauffer ma poêle à 7 sur le four, donc pas trop chaud, sinon ça brûle. Puis là, je mets un peu d'huile d'olive, puis dans le milieu de mon petit rond d'huile d'olive, je mets... une noix de beurre, juste un peu de beurre, c'est ça qui va faire dorer ma crêpe. Fait que là, après ça, je mets une louche exactement, tu sais, pas une louche là, pour donner de la soupe, là, ces louches-là, j'en mets une exactement du mélange dans le fond, dans mon poêlon, puis tu fais cuire, puis une fois qu'il y a un côté qui est cuit, là, tu peux la revirer, puis tu fais tes 2 premières crêpes, puis la troisième, tu verses ce qui reste, ça donne toujours une crêpe un peu plus épaisse. Mais là, vu que le poêlon est rendu bien chaud pour la troisième, ben ça fait une super belle crêpe pour terminer. Fait que j'ai mangé mes 3 crêpes comme un glouton. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire qu'on est rendu à parler de quoi? Eh bien, et oui, on est rendu à parler de mes ancêtres. Bon, pourquoi cette musique classique? Pourquoi cette musique qu'on pouvait entendre à la cour du Roi Soleil? Eh bien, il y a un lien, et oui, un lien que vous verrez à la fin de ma chronique. Pour diverses raisons, eh bien, mes ancêtres étaient connectés à la cour du Roi Louis XIV. Bon, moi je suis un Lavois du bord de mon père et je suis un Minier du bord de ma mère. Donc partons du bord de ma mère. Minier, c'est l'arbre le plus simple. André Minier, c'est notre ancêtre, quand j'ai remonté, je suis arrivé à lui. André Minier, ou Minier, M-I-G-N-E-R, ou M-I-G-N-E, et qui s'appelait Lagacé vers la fin de sa vie. Lui, il est né de où? Donc, moi, mes origines, c'est marqué né en 1640 à Saint-Martin, île de Ré, et mort le 20 novembre 1727 à La Pocatière, au Québec. C'est un soldat français du régiment de Carignan-Salière. Il est revendiqué comme le principal ancêtre de la famille Lagacé, ainsi que par les Lagasse et Lagassa et d'autres. Ça, c'est bizarre, je vous le dis, là. J'ai pas trouvé pourquoi c'est écrit ça. La référence est plus bonne dans le document où ce que je lisais pour aller voir pourquoi il était l'ancêtre des Lagacés. Mais je comprends que vers la fin de sa vie, il aurait switché de nom. C'est pas usuel de faire ça, là. Mais bon, il semble être à la tête être l'ancêtre principal des Lagacés ici au Québec. C'est comme si à la fin de sa vie, il avait changé de nom. Je sais pas s'il a fait de quoi, mais bon, j'en sais pas plus. Mais je sais sur lui bien d'autres choses plus intéressantes. André, il était affecté à la compagnie de Berthier de l'Allier. Ça, c'était un régiment de Carignan-Salière, une armée privée qui a été envoyée à Québec, qui est arrivée 30 juin 1665 pour protéger les colons contre qui? Contre les Iroquois qui maraudaient autour des villes importantes de la colonie française. Donc, mon ancêtre était un soldat, selon les registres. Là, les registres, il avait pas l'air fiable, parce que selon un registre de mariage, il y a eu un certain âge, selon un autre, il y a un autre. Mais bon, selon les registres, il aurait eu 14 ans à son arrivée ici comme soldat, ce qui est quand même pas mal jeune. Donc, voici son histoire. Engagé de dernière minute dans la compagnie de Berthier du régiment de l'Allier, c'est le 24 février 64 qu'André monte à bord du Brézé, c'est un navire, sous le commandant d'Alexandre de Prouville, marquis de Tracy, qui partait vers les Antilles avec pour mission d'y rétablir le bon ordre et y faire régner la justice du roi de France. Bon, finalement, je vous passe les détails, ils ont fini dans la colonie française ici. Donc, soldats, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient ici pour protéger la colonie des méchants indiens. Il y avait même un surnom, d'après les registres là, du régiment, mon ancêtre, André Minier, dit la gâchette. Donc, c'était probablement un bon tireur. Il devait être précis avec les armes et il devait être rapide. C'était ça, un lagachette. Il a été réformé en 1668. Réformé, d'après moi, ça dit qu'il a pu quitter l'armée. Il obtient l'autorisation de s'établir au pays le 10 octobre 1668 devant le notaire Lecomte. Mon ancêtre, André Minier, reçoit une concession de Dame Guillemette Hébert, fils de Louis Hébert. Il a reçu une terre à Charlebourg. Puis combien? Je pense qu'il y a eu combien? Je ne sais plus combien il y a eu d'hectares, d'arpents. C'était des arpents dans ce temps-là. Bon, puis cette même année, il s'est marié. André Minier s'est marié avec Jacquette, c'est quand même cute, Michel. C'est une veuve et qui était une fille du roi. Eh oui! Qui venait, elle, de Sainte-Catherine sur l'île de Ré, à quelques kilomètres de l'endroit où avait grandi André. Donc, lui, il a épousé une fille du roi, qui, elle, était veuve d'un autre mari d'avant. Donc, de 1668 à 1686, la famille se développe à Charlebourg, où il y a eu ses terres. André défriche tant bien que mal les terres dont il a la responsabilité. Ici, c'est là que ça devient un petit peu intéressant, c'est sa portion de mariage avec la fille du roi. Ça, c'était les gentilles dames. Les gens disent madame qui prenait le bateau pour venir se marier ici avec les colons de la Nouvelle-France. Donc, Jacquette Michel, il y a une belle page là-dessus sur son histoire à elle. Il y a un historien là, qui fait l'histoire de chacune des filles du roi. Donc, j'ai trouvé celle qui était mariée à mon ancêtre. Comme je vous ai dit, originaire de l'île de Ré, du bourg de Sainte-Catherine, où elle est née en 1637 et est arrivée en Nouvelle-France en 1668. Elle a pris un autre navire, elle a pris le vaisseau qui se nommait la Nouvelle-France. Quand elle est arrivée, elle était alors veuve de Jacques Gardin et fille de Jacques Michel. Ça me fait penser à Jacques et Michel, des films érotiques. En tout cas, oublions. Elle apporte pour dot 100 livres et ses biens personnels. C'est ça, d'après ce que je lisais, les filles du roi, les filles de Jacques et Michel, Quand le roi les envoyait, le roi fournissait une dot de 50 livres. Mais elle n'a pas eu besoin, je ne sais pas, c'est pas écrit dans l'histoire, mais si elle arrive avec 100 livres, c'est probablement que ses parents étaient riches ou quelque chose du genre. Puis bon, ça correspond à quoi? 100 livres en 1668, ChatGPT me l'a dit. Ça représenterait maintenant 20 000 à 30 000 livres. Donc, ça équivaut à entre 37 et 55 000 Canadiens qu'elle a eu comme dot là, à son époque, là, l'équivalent. Donc, c'était vraiment beaucoup d'argent. Puis, dans son histoire, on a quelques détails sur leur famille. Parce qu'il y a eu un recensement en Nouvelle-France en 1681, puis leur famille a été recensée, puis voici ce qu'on lit dans le recensement. Au recensement de 1681, ils vivent au village de Saint-Michel. André Minier est âgé de 41 ans, son épouse de 44 ans. 5 de leurs 6 enfants nés à ce moment sont vivants. Il y a André 12 ans, Marie 10 ans, Françoise 8 ans, Marie 5 ans et Jacquette 2 ans. Et voici, ça c'est un petit bout intéressant, voici leurs biens qu'ils ont déclarés au recensement. Ils possédaient un fusil, 3 bêtes à cornes, donc il y avait des bœufs, et 15 arpents en valeur. Donc si vous vous souvenez, je pense que je vous ai dit qu'au départ, ils donnaient 3-4 arpents. Là, ils sont rendus à 15, puis ils ont fusil, fait que ça allait bien. Ça allait bien les affaires. Qu'est-ce que je peux lire d'autre? Suite au décès de Jacquette, Michel, le 28 novembre 1710, une discorde. Ben oui, la chicane a pogné dans la famille. Parce que le bonhomme, André Minier, il est obligé d'aller habiter chez un de ses fils. Puis là, la chicane a pogné pour savoir qu'est-ce que ses fils devaient payer au fils qui accueillait le père. Puis là, c'est l'intendant de la Nouvelle-France qui est obligé de s'en mêler. Et qui a été obligé de trancher pour dire, vu que c'est votre fils, vu que c'est tel fils qui s'occupe de son père, vous, les autres frères et sœurs, vous devez donner tant d'argent pour qu'il s'en occupe. Donc, c'est l'intendant qui s'en est mêlé. Fait que la chicane était pognée dans la famille. Donc, voilà. C'est ça pour ma branche du bord de ma maman, la branche des miniers. Donc, il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de co-sanguin. Parce que là, vous allez voir que du côté des Lavoie, ça va être une histoire un peu co-sanguine. Je me suis... Ben là, je suis pas mon... C'est parce que j'ai fait mon arbre généalogique. Mon frère m'a envoyé un site. Le nom du site, je vous le donnerai tantôt. C'est un site qui permet de voir tout remonter ses ancêtres. Je pense que c'est noshistoires.qc.ca. Puis là, je me suis amusé avec le lien que mon frère m'avait donné. J'ai dit « Ah, je vais remonter jusqu'à René de Lavoie, qui est mon ancêtre du côté des Lavoie. » Puis là, en remontant, quand je regarde du bord de ma mère, ben la grand-mère de ma mère est une Lavoie. Puis là, ça fait des années qu'on en rit parce que du côté de mon père, ben il y a Lavoie. Du côté de ma mère, grand-mère Lavoie. Puis quand tu suis les deux arbres généalogiques, qu'est-ce qui se passe? Ils se recroisent. Ça prend, attends, je vous le compte, ça prend 1, 2, 3, 4 générations au-dessus. On arrive à Étienne Lavoie qui, lui, a enfanté, ben qui a donné les enfants qui mènent à mon père puis à ma mère. Donc, du côté Lavoie, on a une boucle fermée de consanguinité. Puis là, ce que je me suis amusé dans les derniers jours, je me suis amusé à remonter toutes les autres où il y avait des boucles. Fait que du côté de mon père, ma grand-mère, c'était une Oud. Elle s'appelait Lucille Oud, puis elle a marié Albany Lavoie. Mais quand tu regardes la mère de Albany Lavoie, elle s'appelle Diana Oud. Fait que là, j'ai dit, oups, est-ce qu'on a une boucle de co-sanguin encore? Fait que si on regarde, si on remonte 1, 2, 3 générations seulement, fait que ça fait des années qu'on rit de la boucle des Lavoie qui est co-sanguin, mais la boucle des Houd est encore pire. Parce que y a Léandre Houd, qui est il est 1, 2, 3, 4, il est 5 générations au-dessus de moi. Léandre Houd, il y a eu un fils qui s'appelle Étienne Houd et une fille. Puis chacun d'eux ont eu un fils et une fille qui sont les grands-parents de mes grands-parents. Donc, on a une belle boucle fermée ici sur les Houd. Et là, si on continue, là, je me suis amusé à regarder plus loin, OK? Là, si on part justement de ce Léandre Houd, là, lui, il était marié à qui? Il était marié à une Bouchard, Zoé Bouchard. Et là, boucle encore de consanguinité du côté des Bouchards. Si on regarde les Bouchards, eh bien, le René de Lavoie, qui est mon ancêtre, il y a eu un fils qui a appelé René Lavoie. Bon, ça, c'était pas... Il semblait tout faire ça. Il y avait toujours au moins un des fils qui avait le nom de son père. Eh bien, lui, il a marié Marguerite Bouchard. Puis là, si on descend de 1, 2, 3, 4, eh bien, 4 plus tôt, la Bouchard a marié un Lavoie. Puis là, ça rentre dans la boucle des Lavoie de consanguin. Et si on descend de l'autre côté, parce qu'il y a eu des fils et des filles, on descend de 1, 2, 3, quatre générations, eh bien, Bouchard est venu se marier à la Houde, qui, elle, était à l'origine de mes grands-parents du côté paternel. Donc, on a encore une boucle fermée, puis en plus, cette boucle-là remonte loin. Elle remonte, comme je vous disais, à René Lavoie, fils de René Lavoie. Donc, ça veut dire que les gènes ne se mélangeaient pas trop. Ce que moi, j'ai comme gène, ben, j'ai beaucoup de Lavoie, j'ai beaucoup de Houde, puis j'ai plein de Bouchard. Puis là, j'ai continué à suivre des boucles. OK? Parce que là, j'ai dit pourquoi. Parce que j'écris sur l'arbre, à chaque fois, j'écrivais le mari, puis la femme, j'écris l'année. Puis là, je regardais, mais là, j'ai vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dit pourquoi j'ai 8 fois des dallaires dans qui sont dans mon arbre. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, encore là, une boucle de co-sanguin. Fait que du bord de ma mère, Marguerite Lavoie, c'est sa mère. Ben, l'arrière-grand-père a marié Lucinie Dallaire, OK? Qui, elle, si on va plus loin, si on remonte dans ses parents à elle, si je suis Pierre Dallaire, joint 2, eh bien, Adèle Dallaire a marié pas Jason, non, je vois mal le nom, attends. Il a marié un Lavoie, Jean Lavoie. Fait que là, avec les Dallaire, on croise la boucle des Lavoie. Et il y a beaucoup d'autres Dallaire qui, eux, sont mariés, qui tombent avec des Côté. Puis les Côté, ils sont dans la boucle des Houde. Puis là, en suivant la boucle des Côté, je me suis aperçu qu'il y avait encore une boucle de co-sanguin. Fait que du côté de ma grand-mère Marguerite Lavoie, son grand-père Napoléon Lavoie, son arrière-grand-père Napoléon Lavoie était marié à Virginie Côté, qui, elle, si on remonte juste d'une génération, David Côté, il était marié avec une Dallaire. Et ces Dallaire-là, leur fille a marié les Houde, qui sont dans la boucle de co-sanguin de ma grand-mère Lucille. Fait que donc, plus je faisais mon arbre, plus j'entourais. À chaque fois que je faisais des boîtes carrées, c'était pour dire qu'il y avait une boucle de co-sanguin. Et là, à la fin, je vous dirais que j'ai la moitié de mon arbre du côté des Lavoie, que c'est juste des carrés. Fait que c'est toutes des Houde, des Lavoie, des Dallaire, des Côté, et l'autre, c'est quoi? Ben, en tout cas, qui sont toutes mariées ensemble. Fait que, puis des Bouchard, des Bouchard. Donc, ils sont tous mariés ensemble, et ça donne que moi, bien, j'ai deux maladies génétiques. Parce que, bon, c'est ça qui arrive quand tu mélanges pas les gènes. Tu sais, il y a des blagues qui se font que les gens au Saguenay, c'est un peu co-sanguin, mais si je regarde mon arbre, c'est pas des blagues. C'est vrai. Puis moi, tu sais, j'ai deux maladies génétiques. J'ai Dupuytren qui font que mes doigts, bon, j'ai des boules sur les deux derniers doigts qui peuvent se former, pieds et mains. Puis ça fait que les doigts ne plient plus. Fait que j'ai été opéré une fois pour un des doigts. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas eu besoin d'y retourner. On dirait que la maladie est stoppée. Le problème, elle est juste dans un de mes doigts. Mais quand le médecin m'a opéré, il m'a dit, ben, on va se revoir parce que ça revient souvent. Mais en tout cas, là, à date, tous mes doigts vont bien. Puis l'autre chose que j'ai, ben, c'est au genou. Maladie, ça s'appelle Ostergutschlatter, c'est un nom allemand. J'ai comme c'était du genou de sœur. J'ai le genou qui est comme ressorti au niveau du côté droit, mais ça n'a pas d'impact vraiment sur ma vie. Ça n'a jamais eu d'impact, cette maladie-là. Mais quand même, j'ai eu le droit à deux maladies là, qui sont liées à la génétique. Et ça s'explique très bien par tous ces mélanges qui ne se sont pas faits. C'est ça qui est drôle quand on compare avec l'arbre des miniers. Là. L'arbre des miniers, il est droit, puis toutes les femmes ou tout ça, il n'y a rien qui se recroise. L'arbre, il est complètement, c'est des gens qui se mariaient avec d'autres, un bon mélange de gènes. Donc voilà, fait que c'était ça, c'était quand même assez drôle d'étudier mon arbre généalogique du côté des Lavoie et des Minier. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Bon, ça je vous l'ai dit, Ah oui, c'est ça. Il y a eu à la télé, pas dernièrement, mais il y a un moment donné, ils ont fait des capsules, je pense que c'est l'année passée, des capsules sur les familles d'ici. Puis, je suis allé, en faisant mes recherches, réécouter la capsule sur les Lavoie. Puis, c'est là que j'ai vu qu'il y a plein de choses qui sont liées à nous. Par exemple, Daniel Lavoie, Son ancêtre, c'est le même que le chanteur. Là. Lui, son ancêtre, c'est René Delavoye aussi. Et là, en écoutant la capsule, il dit que lui, son arrière-grand-père, a été marié à l'église de l'île Perrault ici, où ce que j'ai joué de l'orgue, que je vous avais dit là, dans un podcast que j'étais allé pratiquer sur un orgue Casavant. Eh bien, c'est dans cette église-là, qui est à 5 minutes de chez nous, que l'arrière-grand-père de... voyons, comment il s'appelle? La voix, qui s'est marié, puis ensuite il est parti pour le Manitoba, puis tatata, c'est toute l'histoire là, autour de lui. Quoi d'autre? En écoutant la capsule aussi, il parlait de la petite maison blanche. Je ne sais pas si vous avez, tu sais, quand il y a eu le déluge au Saguenay, là j'y vais tout de mémoire, là. Quand il y a eu le déluge au Saguenay en 96, il parlait tout de la petite maison blanche qui survivait au flot là, qui passait autour, au déluge qui passait autour d'elle. Tu sais, partout, on voyait cette image-là. Quand tu regardes encore sur le Wikipédia, le déluge de 96 au Saguenay, la première photo que tu vois, c'est la petite maison blanche entourée d'eau. Puis, justement, dans la capsule, il disait que la personne qui habitait là, en 1947, c'était un monsieur Genet qui était marié à une Lavoie, puis il y a eu un gros tremblement de terre, et suite à ce tremblement de terre, c'est écrit que le monsieur il a décidé de renforcer les fondations de sa maison pour pas qu'elle tombe, pour pas qu'elle s'écroule. Puis c'est à ce moment-là, tu sais, en renforçant sa structure, qui a fait que la petite maison blanche a survécu. Aux inondations de 96. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais Daniel Lavoie, j'avais la petite maison, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on dit sur bon... Ah oui, qu'est-ce que... La vie de René Lavoie. OK. Il y a toute une histoire là-dessus, tout a bien été documenté. Ça disait la vie de René Lavoie sera somme toute heureuse et réussie, mais jamais reposante. Parce qu'il y a eu un livre sur la voix d'écrit, il y a des bouts de ce que je vais vous lire qui vont venir de ça. Puis il y a aussi une historienne des Lavoie, qui était une Lavoie, qui a fait un travail là, remarquable là-dessus, puis qui a sorti toutes les choses qu'elle pouvait. Puis c'est écrit « On ne peut pas troquer sa croyance religieuse comme une peau de castor. Anne Godin, sa femme, la femme de René Delavoye, avait été introduite par ses parents à la religion calviniste au temple de La Rochelle. Pour se marier, elle devra donc renier la foi huguenote. » Donc, mon ancêtre, il a épousé quelqu'un qui faisait partie des calvinistes. Moi, je savais, ou huguenote, je ne savais pas c'était quoi. Et en allant lire là-dessus, ben, en fait, ChatGPT me l'a dit, les huguenotes, c'est des protestants, en fait. Puis voici en quoi consiste la religion des huguenots. Je me suis fait sortir comme les six principes. C'est écrit « Sola Scriptura », ça c'est en latin, ça veut dire « La Bible est la seule autorité en matière de foi et de pratique religieuse ». Ça voulait dire pour eux, pour les huguenots, cela signifie que seule la Bible sert de référence pour que les croyants doivent penser et faire dans leur foi, et non les traditions ou les décisions de l'Église. Donc, ils se basent vraiment sur le livre, ce qui est écrit dans le livre, mais pas sur ce que le curé dit. Donc, si le curé s'amuse à interpréter des choses qui n'est pas écrit dans la Bible, ils ne le suivent pas. Deuxième, sola fide. Le salut s'obtient uniquement par la foi en Dieu et non par les bonnes œuvres. Donc, signification de ça, aller au paradis ne dépend pas des actions ou des efforts personnels, mais uniquement d'avoir confiance en Dieu pour y aller. Troisième, sola gratia. Le salut est un don gratuit de Dieu, accordé par sa grâce seule. Donc, on ne peut pas mériter d'être sauvé, c'est simplement Dieu qui va décider si on va, qui va nous accorder son pardon ou non. Quatrième, prédestination. Dieu choisit d'avance qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Donc, avant même qu'on soit né, il y a des gens qui sont destinés à être sauvés par Dieu, alors qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est ça la prédestination. Puis c'est la quatrième croyance là, des huguenots. La cinquième, refus du culte des saints et des reliques. Donc, eux, ils vénèrent pas, ben, en tout cas, ils disent « Seul Dieu doit être adoré, sans intermédiaire, comme les saints ou les objets sacrés. » Donc, eux, ils refusent les statues, les reliques, les prières aux saints, car ils considèrent qu'il y a juste Dieu qui doit être prié directement. Puis le dernier principe de cette religion-là, c'est la simplicité du culte. Le culte doit être dépouillé de rituels et d'ornements, centré sur la lecture et l'interprétation de la Bible. Donc, les églises et les cérémonies doivent être saintes, pas de décor trop luxueux ni de rituel compliqué. Et c'est pas mal ça. Donc ça, c'est pour le bout religieux qui est lié à, comme je disais, si je regarde sur mon arbre, à la femme Godin. J'écris mal. C'est Anne Godin. J'ai de la misère à m'en lire. Donc, Anne Godin était huguenote. Puis pour se marier, bon, elle a dû devenir catholique pour se marier à l'église. Donc, si on continue l'histoire de mon ami René, mon ancêtre, René vivra le tremblement de terre de l'hiver 1663. Il assistera impuissant à l'arrivée spectaculaire de l'armada de l'anglais Philippe, qui est arrivé avec 32 navires à l'automne 1690. Les bons historiens nous apprennent que cette attaque fut repoussée par les canons du gouverneur Frontenac et, d'abord et avant tout, par une épidémie de petite vérole. Sans compter l'hiver précoce qui menaçait de bloquer les navires anglais. C'est finalement à travers ses enfants que l'ancêtre René Lavoie se réalisera le mieux. Donc, il y a eu beaucoup d'enfants, donc on a eu beaucoup de descendants, donc il y a eu beaucoup de Lavoie au Québec. Je vous passe le reste de l'histoire. Sinon, un dernier mot sur les Lavoie. Bon, j'ai peut-être plusieurs derniers mots, là. Mais il y a deux ancêtres. En même temps que René, il est aussi arrivé un Pierre de Lavoie. OK? Mais lui, c'est comme la brebis noire. Moi, je ne descends pas de lui, puis c'est une branche à part. C'est comme le pas bon. Bon, moi, après avoir tout lu ce que j'ai lu, je suis content de venir de la branche de René, même s'il est rempli de boucs un peu trop co-sanguine. Pour Pierre, lui, j'ai lu qu'il a été très malheureux en amour. Ça, c'est la première chose que les historiens disent de lui. Il y a eu deux annulations de la part des filles du roi qui annulaient ses mariages avec lui. Donc, ça veut dire qu'il était soit pas gentil, soit qu'il changeait d'idée. Puis, j'ai noté, la conclusion de son histoire est très triste. Voici comment ça se conclut. Ce Pierre Lavoie, Pierre de Lavoie, aura loué toute sa vie la force de travail de ses filles pour payer ses dettes. Il les place le plus souvent comme servantes. Il faut, bien sûr, voir tout cela avec les yeux de l'époque, mais tout de même. Ça se conclut comme ça. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il louait ses filles pour subvenir à ses besoins. Ils disent que, bon, beaucoup étaient loués comme servantes, mais est-ce qu'ils en louaient pour d'autres choses? Ils le disent pas dans ce que j'ai lu. Bon, passons, c'est quand même pas mon ancêtre, on se concentre sur René de Lavoie. Sinon, pour terminer sur les Lavoie, j'ai trouvé un autre article intéressant. Ça dit « Hors de l'ordinaire. Chaque famille de pionniers compte ses ancêtres exemplaires, ses saints et ses pas fins. Les Lavoie ne font pas exception. » Donc, ça nous liste des gens importants qu'il y a eu qui avaient comme nom de famille les Lavoie. Donc, première, Micheline Lavoie du Sceau. Donc, c'est une femme, une sainte de patiente et la secrétaire généalogiste de la grande famille. Ça c'est l'historienne que je vous parlais tantôt qui a fait le livre puis qui présente ses affaires. Donc, elle, ce qu'elle dit, en 1690, la flotte de l'amiral Phipps, partie de Boston pour attaquer Québec, jette l'ancre à la pointe de Rivière-Well pour se ravitailler en eau potable et en viande fraîche. Donc, elle nous raconte une histoire qui va impliquer un Lavoie. Les habitants n'entendent pas à se laisser piller. Sous la conduite de leur curé, l'abbé de Francheville, un géant physiquement, qui, comme ses paroissiens, a sorti son meilleur fusil de chasse, ils attendent les Anglais de pied ferme. Après quelques salves nourries, les hommes de Phipps retournent en catastrophe dans leur chaloupe. Parmi ces vaillants habitants de Rivière-Well qui font le coup de feu contre les Anglais se trouve Jean Lavoie, le propre fils de l'ancêtre René. Donc René, il y a eu un fils qui a combattu, a repoussé la flotte de l'amiral Phipps un soir de pleine lune. Une autre histoire que la madame historienne nous raconte. Alphonse Joseph Lavoie, né à Longueuil en 1867, est membre de la Société of Automotive les ingénieurs de l'auto. Oui, lui, c'est intéressant. Je vous résume, là, je ne lirai pas son texte. Lui, c'était un ingénieur de l'époque, puis lui, il a inventé une voiture. Ça s'appelle la Lavoie Sedan de 1923. Donc, il aurait pu avoir un Buick Lavoie ou il aurait pu avoir une voiture à notre nom, mais malheureusement, sa voiture n'a jamais été produite en série. Le gars, il a manqué d'argent, puis là, pour pouvoir présenter sa voiture, la Lavoie Sedan de 1923, il voulait la présenter où? Il voulait la présenter à la Fair de Montréal. Il y avait comme un salon de l'auto. Donc, mais pour la présenter, il devait avoir absolument une carrosserie. Donc, avec ses amis, il a pris de la tôle, puis il a formé une carrosserie en vitesse. Puis là, ça lui a permis d'avoir une voiture à présenter, mais malheureusement, la voiture était noire et ressemblait à trop à un carré rectangulaire. Donc, il a fait rire de lui là, à l'affaire de voiture, ce qui a fait que, bon, il n'y a personne qui a voulu investir dans son idée. Élémentaires sont à prendre. Ne transportez pas de grosses sommes d'argent. Évitez la foule. Capitaine! Capitaine! C'est moi, Tintin! Capitaine, vous m'entendez? Quelque chose ne va pas! Le capitaine n'ouvre pas sa porte. Oh! Oh! Capitaine Haddock! Capitaine, ouvrez! Un pas de plus et je fais tout sauter! Cela devient inquiétant. Tenez bon, capitaine, j'arrive! Un, deux, trois! Victoire, ils ont battu en retraite. Hardy les gravirons en cadeau. Goodbye, farewell, good... Oh, Tintin, mon ami. Que signifie cette comédie, capitaine? Vous voyez cet homme, Moussaillon? Oui, c'est votre ancêtre. Le chevalier de Haddock. Figurez-vous que j'ai trouvé ce coffre dans mon grenier hier soir. Et savez-vous ce qu'il contient? Un trésor? Presque. Un vieux manuscrit. Un manuscrit. Oui, oui, nous, on en viendra au manuscrit. J'en ai un à vous. Je vais en parler un petit peu plus tard du fameux manuscrit. Mais pour l'instant, on poursuit avec ce que l'historienne disait, les gens ordinaires, extraordinaires là, qui étaient des Lavoie. Il en reste deux à vous dire. En 1867, une famille Lavoie de l'île aux Grues donne deux de ses fils, Eustache et Eucher, au pape Pie IX pour combattre Garibaldi, qui veut unifier l'Italie et menace le pouvoir de l'Église de Rome. Ils en reviendront sans avoir jamais vu ni le pape ni Garibaldi. Mais ils étaient là. Bon, fait qu'ils sont pas trop célèbres. Mais en tout cas, ils sont allés se battre contre l'Italie. Une dernière chose que l'historienne annote, les Lavoie ont le pied marin. La maison de la Trinité dirigeait, au début du 19e siècle, la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Elle a compté dans ses rangs au moins 16 Lavoie qui ont exercé professionnellement le beau métier de pilote du Saint-Laurent. Donc voilà pour les Lavoie célèbres. Il me reste juste une chose dont je voulais vous parler. Bon, il m'en reste toujours une, juste une. Je suis en train de lire le livre des Lavoie. Le livre se nomme « La famille Lavoie au Canada de 1650 à 1921 ». Il se trouve sur Internet, 428 pages, oui. C'est toute l'histoire des Lavoie, puis dedans, on trouve des choses là, qui font sourire. La première, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'ancêtre René Lavoie s'est marié avec Élie Godin. Et si on remonte du côté des Godin, on ne peut pas remonter bien loin là, parce que ça s'arrête assez rapidement, là, on ne peut pas remonter jusqu'en 1500, mais si on remonte juste d'une génération au-dessus d'Élie Godin, eh bien, il y a eu du miracle dans la famille. Donc, j'ai probablement du sang de miraculé qui coule encore dans mes veines. Je vous raconte l'histoire. Élie Godin, âgé de 50 ans, était malade d'une hydrophysie. Hydrophysie, ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi ce bobo-là? L'hydrophysie, c'est un terme ancien qui désignait autrefois une accumulation anormale de liquide dans le corps. Puis là, on parle de Élie Godin, c'est un garçon, c'est un monsieur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lui, les liquides s'accumulent en lui. Puis là, il pense qu'il va mourir. Puis les remèdes de l'époque ne pouvaient pas le soigner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait notre Élie? Élie, qui est le parent de celle qui est mariée à René de Lavoie. Eh bien, pensant mourir, il a fait appeler le missionnaire de Saint-Anne, qui est juste à côté, pour qu'il lui donnât le viatique. Encore là, c'est quoi ça, le viatique? Eh bien, c'est une eucharistie qui est donnée à une personne en danger de mort. Mais en fait, c'est comme les derniers sacrements. Donc, le missionnaire est venu à la maison, à la ferme, et plutôt que lui donner les derniers sacrements, il lui a dit de prier Saint-Anne. Puis il a dit, si elle t'entend, ça pourrait bien aller. C'est un peu le « ça va bien aller » de notre pandémie. C'est la même chose, ça vient de là. C'est mes ancêtres quand même. C'est ça, là, ça va bien aller. Mais dans le temps, c'était « ça pourrait bien aller ». Ah non, c'est le missionnaire qui a dit ça. C'est pas... OK, bon, peu importe. Puis là, l'histoire dit, un peu après, le missionnaire a revu Élie qui lui dit « Je suis guéri. Monsieur, je suis guéri, permettez-moi de vous raconter. Pendant que vous étiez à l'église, comme je disais mon chapelet, je me suis endormi et j'ai vu pendant mon sommeil deux vénérables dames qui se sont approchées de moi et dont l'une tenait dans sa main une boîte qu'elle a ouverte où j'ai vu un chemin fort long et fort étroit qui conduisait au ciel. » À cette vue, je me suis trouvé tout rempli de consolation et tout soulagé de mon mal. Donc, c'est ça. Notre Élie, trop rempli de liquide, ben, il a fait une bonne sieste, il a fait un rêve, puis il filait mieux quand il s'est réveillé. Puis d'après les registres, ben, il a vécu 8 ans de plus après ce rêve-là miraculeux. Mais est-ce qu'on va s'arrêter à un seul miracle dans la famille des Lavoie, dans notre branche? Eh bien, non. Non, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas seulement un miracle qui s'est passé à la ferme des Élie. Non, la femme d'Élie, qui s'appelait Esther Ramage, elle avait 45 ans, souffrait d'une douloureuse maladie. Depuis 18 mois, elle était courbée par la violence du mal. C'était si douloureux qu'elle ne pouvait plus se relever. Elle devait se traîner comme elle le pouvait avec un bâton. Il n'y avait rien qui pouvait la soigner, sauf qu'un jour, elle décida de prier Sainte-Anne aussi. C'était à la mode, il faut croire, hein? Son mari guérit. Donc, elle a prié elle aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Sainte-Anne, évidemment, est connue pour guérir les maladies, donc c'est une bonne idée de la prier. Qu'est-ce qui s'est passé, elle? Eh bien, la courbée, ayant prié Sainte-Anne, en oubliant son bâton, qui disparut, et elle se trouva sur ses pieds, toute droite, marchant avec autant de facilité qu'elle n'eût jamais fait. Donc, il y a quand même eu beaucoup trop de miracles dans la ferme des Godins. Bon, donc, c'est ça. Ça, c'est le deuxième miracle dans cette ferme. C'est quand même beaucoup. Il habitait proche de l'église. D'après moi, c'était un peu les complotistes de l'époque, ces deux-là. Parce que quand même, deux miracles dans la même maison, il ne faut pas exagérer, là. Mais bon, mon ancêtre, il a quand même épousé une de leurs filles, Anne Godin. Il l'a épousée, justement, à l'église de Sainte-Anne, le 19 avril 1656. Donc, comme il y a déjà eu des miracles dans ma lignée ancestrale, puis que moi aussi j'ai eu des signes, là, pour ceux qui écoutent les lobsters, là, ben, vous vous souviendrez de mon chapelet maudit, que j'ai fait bénir, puis bon, que j'ai restauré. Bref, je pense que je vais maintenant prier, moi, Sainte-Anne aussi. Ça vaut la peine. Car on semble quand même avoir des affinités avec elle. Surtout, bon, mon frère habite Château-Richer qui est juste à côté. C'est là que mon neveu a été baptisé. Moi, je suis parrain d'un enfant qui a été baptisé à Sainte-Anne. Donc, moi, je pense que je suis quand même pas mal lié à cette église-là aussi. Donc, c'est décidé. Maintenant, si j'ai besoin, c'est quand même vers Sainte-Anne que je vais me tourner. 2, 3, 4, allez donc chez Dion. Dans le livre des Lavoie, j'ai pu lire quelque chose qui est quand même assez intéressant. J'ai pu lire que la famille de René de Lavoie est de bon et ancien lignage, puisqu'un des Lavoie est compté parmi les chevaliers de Malte. Donc, pour être reçu chevalier, il fallait prouver par des titres incontestables, être né de mariage légitime, de parents nobles, de nom et d'âme, tant que du côté paternel que maternel. Bon, ça, c'est pas clair et facile à vérifier, là, car rendu là, mon arbre, il permet pas, en ligne, je peux pas me remonter bien, bien plus loin que le premier René de Lavoie, là. Faudrait fouiller vraiment dans des papiers anciens, puis je suis pas historien. Donc, je me fie à ce qui est écrit dans ce livre, là, qui a été écrit par une historienne. Mais c'est quand même bien. Un des ancêtres Lavoie aurait été chevalier de Malte. Bon, je pourrais quand même me faire une croix de Malte là, en poterie puis l'accrocher sur mon manteau de trappeur, là, mon capot, quand je vais le recevoir. Je pense que je vous en ai parlé là, dans un des lobsters de mon manteau, là, mon capot. Je l'attends encore. J'avais rencontré là, une maître couturière à notre vieux moulin l'été passé. Puis séduit par je ne sais quoi, je lui avais commandé un capot. Le manteau là, des premiers colons. La documentation de la Nouvelle-France a dit sur ce manteau-là, « Pour affronter le froid, nos ancêtres s'étaient dotés de vêtements très chauds qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs dans le monde. Le vêtement principal était le capot très long qui protégeait des pires bourrasques. Ce type de manteau devait son nom au capuchon dont il était muni et qui protégeait la tête. Le capot était fabriqué avec de la laine et du lin, un matériau communément appelé l'étoffe du pays. » Bon, le mien devrait être bleu royal ou bleu clair, je me souviens plus exactement. Ça devrait être beau, avec le chapeau de fourrure que j'ai commandé qui va aller avec. Puis si j'ajoute ma croix de Malte pour montrer que mes ancêtres ont été chevaliers, ben je devrais avoir l'air là, d'un digne minier Lavoie, descendant des chevaliers de Malte. Bon, c'est ça, assez redouté. De parler de ma noblesse là, me fait penser à des vieux papiers que j'ai dans ma collection d'argent. Je possède quand même une belle collection là, de papiers monnaie du Canada, puis de sous là, de toutes sortes. J'ai des jetons de forgeron, des billets de banque à Chartres, comme des billets de la Banque nationale, Banque de Montréal. Bref, il y a eu un temps où je faisais le tour des brocantes pour augmenter là, cette collection. Puis ça me fait souvenir d'un vieux papier que j'ai dans mon coffre. Je vais aller le chercher. Laissez-moi retrouver le code pour ouvrir mon coffre. Je pense que le papier est dedans. Je vous reviens. Bon, je suis de retour. Bon, au départ, j'étais pas capable d'ouvrir mon coffre. Donc, je suis revenu vérifier c'était quoi le numéro, puis comment l'ouvrir. Puis là, je retourne devant le coffre, je m'assois devant. Puis juste en touchant la poignée, puis en tournant un petit peu, le coffre a ouvert. Fait que j'avais réussi du premier coup, mais j'avais oublié de tirer comme il se doit. Bref, bon, ça dit quoi ce papier-là que je suis allé chercher? C'est un vieux papier, c'est écrit Arrêt, A-R-R-E-S-T, du Conseil du d'État du Roi. Donc, c'est un arrêt du Conseil de l'État du Roi. C'est écrit en vieux français. Ça date des années 1700. C'est imprimé par l'imprimeur de Frédéric Léonard, par l'imprimerie de Frédéric Léonard, imprimeur du roi. Bon, le roi à cette époque, c'est Louis XIV, c'est le roi Soleil. Puis mon papier, il date du 21 décembre 1700. Bon, avec ce papier-là entre les mains, je peux même m'imaginer à la cour du roi. Le roi, à ce moment-là, est probablement entouré de nobles gens. Bon, il papote avec eux. Il y a aussi sa femme. Sa femme est là, Marie-Thérèse d'Autriche, et oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh, on la voit, là, est en discussion avec un chevalier de Malte qui est de retour de croisade. Bon, allez, on se fait une petite scénette. Je vais jouer le chevalier là, qui revient de croisade. Vu que moi, je suis un descendant, là, c'est très plausible. Donc, imaginons que je suis Augustin de Lavoie, chevalier de Malte, qui est de retour de croisade, là, qui parle avec la reine. Donc, on y va. Votre Majesté, l'Ordre de Malte demeure fidèle à l'alliance entre la France et les puissances chrétiennes. Nous sommes prêts à soutenir votre majesté dans la défense de l'Europe contre les menaces ottomanes. Nous espérons que le royaume de France continuera de soutenir notre souveraineté sur Malte. Puis là, Marie-Thérèse me répond. Je dis Marie-Thérèse plutôt que majesté, mais car je sens que dans ses yeux, elle me trouve quand même assez beau garçon. Donc, on y va avec sa réponse. L'alliance entre la France et l'ordre de Malte est de la plus haute importance pour maintenir l'équilibre dans la Méditerranée. Le roi, mon mari, apprécie les efforts de votre ordre pour protéger les intérêts chrétiens. Je m'inquiète cependant de l'extension de l'influence ottomane. Comment envisagez-vous de répondre à cette menace croissante? Votre Majesté, l'ordre de Malte se trouve à l'avant-garde de la défense chrétienne, mais laissons ces discussions politiques pour votre mari et roi. Car, dernièrement, j'ai entendu dire que, dans votre noble cour, des innovations ont été apportées en matière de confort. Mais il semblerait que certains de vos courtisans aient adopté une toute nouvelle pratique, le bidet. Je dois avouer que cela m'intrigue énormément, mais aussi, il me perturbe quelque peu. Ah, le bidet. Je vois que vous êtes au courant, chevalier. Vous savez, il s'agit d'une des derniers refinements de la cour introduits, sous l'influence de nos voisins italiens. Je trouve cela fort pratique, même si mes dames de compagnie m'ont dit que cela nécessite une certaine subtilité dans son usage. Mes majestés, j'ai du mal à comprendre. Comment, sous des atours aussi royaux, peut-on se résoudre à utiliser un objet aussi intime dans un cadre aussi public? Ah, mais c'est là tout l'art de la cour. Tout est question de discrétion et de grâce, mon cher chevalier. Vous voyez, la noblesse française sait marier l'élégance et le confort. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on doit se contenter de simples bains de vapeur. Nous avons trouvé, un équilibre subtil. Un équilibre, disons, dans l'eau. Vous voulez dire que, dans cette noble cour, il est désormais question de soins du corps et non plus uniquement des armes et des épées? Ah, eh bien, chevalier, l'art de la guerre et de l'hygiène peuvent parfaitement coexister. Vous comprenez, même un chevalier a besoin de se sentir à l'aise après une longue journée de combat, de diplomatie et de jeu d'épée. Et je vous assure, un peu de douceur, après une bataille de mots ou d'armure, c'est tout aussi nécessaire. Je vois que le bidet a trouvé sa place à la cour, tout comme l'épée et le vin. Peut-être devrais-je envisager de l'adopter. Après tout, un chevalier ne doit-il pas savoir combattre toutes les difficultés de la vie, y compris les plus réconfortantes? Vous serez le bienvenu, chevalier. Mais il vous faudra peut-être d'abord vous exercer à la diplomatie de l'eau avant de rejoindre les rangs des pratiquants. Puis là, on imagine un petit rire et le chevalier s'incline, un peu plus curieux et amusé par les coutumes royales. Voilà, c'était la petite scénette. Sinon, si on revient au papier, qu'est-ce que mon papier a dit? Bon, c'est ça le centre, c'est pour ça qu'on fait une scénette, là, parce que ce papier-là m'a donné cette idée-là. Arrêt du Conseil d'État du roi, qui ordonne, en interprétant en tant que Beffroi Ferroir l'arrêt du 30 novembre dernier, que les nouveaux louis d'or fabriqués en vertu de la déclaration du 8 juin au FIF dernier demeureront réduits, de même que les anciens louis réformés ou non réformés, à 12 livres 15 sols la pièce, à commencer au premier jour de janvier prochain. Du 21 décembre 1700, régifré en la cour des monnaies, c'est la cour des monnaies, le 23 décembre 1700. Le roi s'est en fait représenté en fond confire la déclaration de Sa Majesté de 8 juin dernier par laquelle elle aurait ordonné que les louis d'or, les doubles et demi, seront fabriqués à l'avenir dans les monnaies ouvertes au titre et au poids. portés par l'édit du mois de septembre 1693 qui porteront l'empreinte figurée dans le cahier attaché à la dite déclaration sous le contre-cil de chancellerie et l'arrêt du Conseil d'État du 30 novembre auquel... Puis, si on va à la fin, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos armes et feu conseiller, les gens tenant notre cour de monnaie et au sieur intendant et commifère des parties pour l'exécution de nos ordres dans les provinces de notre royaume et celles d'Alface, salut, nous vous demandons, enjoignons de tenir la main à l'exécution de l'arrêt dont l'extrait s'y attaché vous le contrefile de notre chancellerie, ce jour d'huit nommé en notre conseil d'État pour les cours et convenus, lequel fera le publier et afficher partout au Beffoin fera. Bon, là, quand même que je continue à relire, je me perds un peu. Là, c'est écrit en vieux français, c'est quand même beau, c'est intéressant. Il y a une, deux, trois, quatre pages, mon document. Le bas de mon document a trempé dans l'eau, c'est sûr. Il est tout jauni dans le bas. J'ai dû le recevoir comme ça. Parce que moi, depuis ce temps-là, il est serré dans mon coffre. Là. Ça fait peut-être une vingtaine d'années que j'ai ce document-là. Donc, c'est ça. C'était ça, mes affaires de collection. J'étais allé quand j'ai ouvert mon coffre, là, j'ai sorti plein de toute ma vieille monnaie, là, mon vieux papier monnaie. Puis là, j'ai sorti des vieux billets là, qui servaient dans le temps des banques à chartes. Puis je me souviens, j'avais acheté une série de... C'était la banque Benjamin & Son. C'est toutes des affaires canadiennes là, dont je vous parle. Je collectionne juste le Canada ou qui est lié au Canada, comme ce document-là. C'est quoi je voulais dire? Ah oui, c'est ça. J'ai un livre dans lequel je note tout depuis 1980. Ben, depuis que je collectionne, je notais tout, combien je payais pour les choses. J'écrivais des histoires, je brochais les papiers. En tout cas, j'ai toute l'information. Et là, j'ai un ou deux livres là, qui racontent toute ma collection à mesure qu'elle se bâtissait. Puis, bon, j'ai vu que ces billets-là de Benjamin & Son, je les avais payés dans le temps. C'était trois billets, un 5 shillings, un 10 shillings, puis un autre. Puis, je les avais payés 150$ pour les trois, 50 chacun. Puis là, si je regarde sur Internet en ce moment, le 5 shillings, c'est celui qui est le plus rare. Il se vend à 900$. Le 10 shillings, 250. Puis l'autre, je sais pas... Il n'y en a pas d'autre. Je le vois pas. Fait que quand même, les prix ont vraiment, vraiment monté. Puis ça, j'en ai des pages de ces choses-là. Des billets à chartes, là, j'en ai plein. C'est ce que j'aimais collectionner. Donc voilà, on part en musique. Et au retour, je pense que ça sera la conclusion de cet épisode du Lobster. Un épisode plutôt historique cette semaine. Chasse le bruit des mots, la ce chant des oiseaux. Retour dans ce Lobster 162.0. Pendant la pause, je suis allé à la poste voir si j'avais reçu des cartes postales. Et oui, j'en avais une. Présentement, je suis rendu à... Moi, j'en ai 27 d'envoyés. 21 ont été reçues. Puis moi, j'en ai reçu 22 à date. On peut se lire les dernières que j'ai reçues. Si on part d'ici, je pense que la dernière que je vous ai lue, c'était le Japon. Avec de la bouffe. C'était celle-là ici. Donc maintenant, je n'ai reçu une de Minneapolis. Le dessin, c'est comme une grosse sculpture en bois. Ça ressemble à une grosse ruche d'abeilles. C'est marqué Sculpture Park. Elle venait des États-Unis. C'est écrit « J'ai vu que vous aimiez la peinture et la poterie. J'espère que vous allez enjoy la vue de cette sculpture de jardin. » Puis c'est marqué « Karen ». Ensuite, j'ai reçu une autre encore des États-Unis. Elle vient de Chattanooga. C'est une peinture de l'école sur le bord de la rivière Hudson. Ça dit « Bonjour, mon nom est Whitney. Je vis aux États-Unis. La vie a été intéressante et occupée dernièrement. J'aime me distraire avec l'envoi de cartes postales. Bonne année 2025. » Ouais, c'est ça. C'est sûrement une référence à Trump, là, ça. La vie a été occupée et intéressante et occupée dernièrement, oui, je te crois. OK, une autre. Elle est super belle. Elle vient de où? D.E., c'est de Allemagne, je pense. C'est le timbre, il est super beau. C'est quatre enfants qui ont un chat dans les mains. Il y a un oiseau qui vole. Le timbre, le fond est vert. Il y a un renard. C'est 85 quelque chose qui coûte. Plus, il y a trois autres timbres. Un 5 cents, un 20, un 15. Puis c'est écrit. Dimanche prochain, c'est notre journée de la poterie. Nous allons aller à une autre grosse exploration. Un tour d'exploration. Bonne journée, Anna. Fait que c'est une photo qui montre des affaires de poterie. L'avant-dernière, c'est le Grand Canyon. C'est dit « Bonjour Fred, ça vient des États-Unis évidemment. As-tu déjà été au Grand Canyon? J'y ai été dernièrement en tant qu'adulte. Mon mari et moi, nous essayons de visiter un parc national chaque année. L'année dernière, nous sommes allés à celui de Sequoia. Et cette année, nous pensons retourner à celui du Grand Canyon, signé Charlène. Avant-dernière qui arrive d'Allemagne, que j'ai été envoyée le 4 mars 2025. Bonjour là. Mon nom est Jessica, j'ai 33 ans et je vis dans une petite cité qui s'appelle Stuttgart. J'adore lire les livres et visiter les parcs à thème. Et celle que je viens juste de recevoir, elle vient d'Allemagne aussi. Bonjour Frédéric, je suis Helmut, 68 ans, et marié depuis 39 ans. Nous vivons à Enixdorf, une petite ville dans le nord de Berlin, lequel a été bonded, je ne sais pas c'est quoi bonded en français, en 1375 comme Knelkendork. Donc, elle a changé de nom, probablement. C'était au début un petit village de pêcheurs qui s'est transformé en une ville industrielle qui est maintenant connue pour construire des locomotives. Dans les vieux temps, C'était la It was Vib Kenley et Dan de après ça de AEG Comeback est revenu et suivi par Bombardier. Maintenant c'est All Storm. Donc il m'explique un peu la compagnie a changé de quoi à quoi au niveau des trains. La production of Real Rare. La production des boîtes de locomotives, des wagons, doit aller en Pologne en 2027. Donc, ils sont en train de produire des trains autoroutiers, des wagons pour la Pologne. Depuis 1989, ici, c'était la bordure de Berlin-Ouest. Maintenant, il y a un chemin pour marcher et faire du bicycle. Donc, la frontière, j'imagine, a été... je sais pas s'il y avait un mur là, mais en tout cas, ça a été transformé en piste cyclable puis en piste pour marcher. The Watchtower. OK, il y a une tour de défense qui est toujours là, mais qui sert de muséum. J'ai de la misère à lire parce qu'il est écrit en lettres attachées en anglais. Fait que c'est compliqué. Puis il est allemand, donc c'est probablement pas sa première langue. I'm Docut News. Junkie. OK, il est un junkie des nouvelles. Il adore lire. J'adore lire. J'aime la musique des années 60 et 70. Et j'essaie de construire un modèle de train à... OK. Depuis avril 2020, je suis retiré. Je suis à la retraite. Aussi, ma femme, depuis 2 ans, était une travailleuse sociale. OK. Sa femme aussi a pris sa retraite depuis 2 ans. Oh! On a un appel. On va prendre l'appel. C'est en direct. Oui, allô? Salut. Salut, comment ça va? Bien, t'as-tu vu la photo que je t'ai envoyée? Non, je faisais d'autres choses. C'est quoi que tu m'as envoyé comme photo? Je t'ai envoyé, on est allé au casino. Ah oui? T'as fait que vous avez été chanceux comme d'habitude? Ben, on n'a pas été mal chanceux. On sort avec 500. On sort avec 500 piastres en tout, là. Puis, on est allé souper, on a souper au Saint-Hubert du casino. Puis, je t'avais envoyé une photo. Ben oui, je suis en train de regarder ça. Il y a le verre de vin, fait que vous vous êtes gâté avec la grosse assiette de chicken de Club Sandwich. C'est un club, on l'a fait séparer en deux. Il se sépare en deux, si tu veux, pour manger dessus, si les personnes ont envie de manger même à faire. Ben oui, l'assiette a l'air immense, hein? Ouais, on n'est pas capable de tout manger. La prochaine fois, on va prendre du poulet, moi. On se casse pas la tête pour arrêter au centre d'achat, puis c'est pas formeux, là. Ben oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez pas allé? Ça faisait quand même 2 mois? Oui, un gros 2 mois. Fait qu'il vous avait mis de l'argent de côté pour votre visite? Ben, moi, là, ils m'ont donné 40 piastres aujourd'hui. Mais moi, là, cet argent-là, je l'ai dépensé en même temps. Dans ma carte, le casino, là. Ouais. J'ai 110 piastres. Ça peut jouer. Ah, OK. Ouais. Moi, j'ai eu 15 piastres, je l'ai joué. Mais je sais pas pourquoi. Le papa, là, il a tout le temps moins d'argent que moi, là. Mais papa, il met pas sa carte jamais. Je mets pas tout le temps, moi. OK, quand tu la mets, c'est là que ça accumule ou il te donne de l'argent à ta fête, c'est ça? Ouais. Tu sais, à tous les fois par mois, une fois par mois, là, il nous donne un montant. Mais moi, j'ai tout le temps 40 piastres, puis papa, il a tout le temps 15 piastres. C'est drôle. C'est parce que pour moi, jamais. Moi, des fois, jamais en arrivant. Après ça, j'oublie ça, est accroché après moi, puis je le remets pas. Ben oui. Peut-être que c'est ça, ma mère, elle l'oublie pas, là, en s'assistant, cette machine, elle met sa carte. OK. À des fois, moi, ça me tente. Ouais, ben c'est correct, là. Fait que là vous êtes sur le retour à la maison ou? Oui, on vient de partir de Valby, là. On va être à la maison Ah, OK. Et on est parti tard. On avait pas peur. On est rendez-vous de son médecin de la famille avant midi. OK. Et on est parti de la maison. Il était midi. Ah, OK, ouais. Au casino, il était 2h30, 3h15. Et tu sais, on n'a pas joué longtemps. Ouais. Puis, on a vu qu'il faisait beau aujourd'hui, beau soleil. Ben, tu sais, ouais, pourtant, demain, il annonce nuageux. Il annonce pas de cochonnerie, mais quand on va dire, on va y aller. Ben oui. Non, c'était une bonne idée. Il fait beau dehors. J'arrive de la poste, moi, chercher mes cartes postales. Okay. Oui, c'est, je pense que c'est la 21e ou 22e que je reçois, là. Ouais. Hey, c'est fun, hein? Ouais. Vous autres, par exemple, vous êtes à zéro, frère, sur le Ouais. Ouais, à l'auto, vous autres, 20, 10, 12 degrés. Non, aujourd'hui, c'est plus froid. Je suis pas sûr que ça fond dehors. L'eau est pas glacée à terre, mais c'est limite. On est proche du zéro aussi aujourd'hui. Ah, OK. Ouais, c'est pour ça qu'on a dit on va y aller aujourd'hui. Nous autres, demain, quand il irait, nous autres, nous allons un risque de neige. Mais gars, c'est sûr que ça ne serait pas grave. Là. Ouais. Mais là, où est tout ça fait l'asphalte, il fait beau soleil. Ah, c'est ça. Nous autres, il fait 6, là, je viens de regarder, fait que c'est quand même pas chaud. Bon, ben c'est beau, passez une belle journée, salut! Salut! Donc voilà, c'était mes parents. Quand ils appellent durant le Lobster, ben je prends l'appel puis j'enregistre. Je pense qu'on avait fini de lire la dernière carte postale. Et oui, donc je pense que ça va être la conclusion de ce Lobster 162.0. Merci d'avoir été là. Je vais essayer de publier plus souvent. Je devrais avoir fini cette semaine de terminer mes cartes, donc ça devrait tomber plus tranquille. Je devrais pouvoir avoir du temps. Là, en ce moment, je pratique beaucoup au piano. Je suis dans une passe qui est difficile. Je suis en train d'apprendre une chanson de Enya, puis ça s'appelle Watermark que j'apprends, mais en même temps, ma professeure, elle me fait accélérer une des chansons que je joue déjà. Ça s'appelle Una Mattina, que je maîtrise déjà. Puis sur la chanson, je vais vous faire écouter, c'est écrit que la chanson, c'était écrit Allegro 80. Bon, Allegro 80, si je vous fais écouter le métronome. Fait que ça, c'est un métronome à 80. Ça veut dire qu'il faut jouer une note toutes les 80. Moi, je pensais que la chanson se jouait à 80. Puis là, ma prof, elle m'a fait pratiquer. Elle a dit, celle-là, il faut que tu la pratiques au moins à 100, 120. Puis là, la semaine d'après, quand je suis retourné au cours, j'ai dit, mais pourquoi on la pratique à 120? Parce que c'est pour que je sois meilleur à 80. Bien, elle dit que c'est pas 80. Bien, j'ai dit, oui, c'est écrit Allegro 80. Mais oui, elle a dit, oui, mais ça, c'est une demi-croche. Fait qu'il faut faire x4. Fait que là, le x4, ça devient 320. Fait qu'écoutez à quelle vitesse se joue cette chanson-là. Écoutez bien, je serais supposé jouer une note à chacun des tics. OK, donc on oublie ça, le 320, je me rendrai là. Jamais là. Mais là, au cours, ma prof a dit, oh, oui, c'est 320. On met le métronome, puis elle se met à la jouer à cette vitesse-là, parce qu'elle est bonne. Puis là, ça sonnait comme pareil quand je l'écoutais sur YouTube. C'était comme magnifique. Puis j'ai dit, ouais, j'ai du travail à faire. J'ai dit, on va se donner encore un petit 10 ans, là. Parce que, bon, quand tu la joues à cette vitesse-là, il faut être quand même professionnel, là. Moi, c'est normal que je la joue plus lentement. Donc, c'est ça. Fait que moi, en ce moment, je la pratique à 100. 100, c'est quoi? 100, c'est ça. Attends, je redescends à 100. 100, c'est ça. Puis là, pour pouvoir être en mesure de jouer à 100, ben, elle dit, pratique à 120. Fait que là, je suis obligé de pratiquer à 100, 110, 120. Des fois jusqu'à 130. 130, c'est encore plus vite. 130, c'est ça. Puis, dès que j'ai réussi une fois, disons, à 130, à jouer un petit bout, là, je peux redescendre à 100. Puis là, ça, dans ma tête, c'est tellement plus lent, 100, que là, j'arrive à le jouer. Fait que c'est ça le truc. Elle dit, il faut le crinquer plus haut. Puis après ça, tu le descends, puis ça redevient facile. Fait que là, si je le jouerais juste à 100, ça me paraîtrait trop vite. Fait qu'il faut que je le crinque à 120, 130. Là, j'ai de la misère. Puis quand je le réussis, ben là, je redescends à 100, puis là, j'ai pas de misère. Fait que c'est comme ça qu'elle me fait pratiquer et que, ben, je pense que j'avance là au piano. Donc voilà, moi qui pensais la maîtriser à 80, mais il faut que je la maîtrise à 320. Donc voilà, quand je serai plus bon, je pense que je vous l'ai déjà fait jouer, Una Mattina. Elle est vraiment belle, c'est une belle balade. Je pourrais vous la rejouer quand je jouerai plus vite. Sinon, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris un prélude, j'ai appris du Elton John. Non, c'est pas mal ça, pas mal dans les mêmes pays. Donc merci d'avoir été là, puis on se reparle bientôt. Bye bye. Aujourd'hui. Ah, madame, aimez-vous mon nouveau linge? Oui, c'est un très, très beau changement. Niaise-moi donc, toi, c'est le même linge la semaine passée. Ah ouais, ça, du site! J'ai pas écœuré aujourd'hui, maudite gnochonne. Alors, aujourd'hui, mesdames, c'est avec beaucoup d'amour que je vous présente une partenaire de remplacement. Il s'agit de Joanne. Bonsoir, Sucette. Joanne, la question qui brûle toutes mes lèvres... Qu'est-ce que c'est ça, une partenaire de remplacement? Eh bien, pour faire une histoire courte, Sucette, c'est une sexologue qui a une relation d'aide privilégiée avec ses clients, là, dans le but d'arrondir ce fin de mois. Donc, vous effectuez des thérapies? Oui, c'est ça. Je suis une thérapeute. OK. OK. Troisième question. Comment ça marche? Réponse. Eh bien, le client vient me soumettre son problème et je lui soigne le problème pour 50 piastres. Deux problèmes, c'est 100 piastres. Attention, là. Je veux pas faire de sensationnalisme, là, mais c'est bien de sexe qu'on parle, là. Mais, hein, tu sais. Oh, du sexe! Du sexe! Du sexe! Du sexe! Du sexe! Du sexe! Du sexe! Du bon gros sexe chaud et gluant et qu'on aime ça sous cette poitrine. Joanne, tu me confiais avant l'émission que vous, les partenaires de remplacement, vous n'êtes pas reconnus. Ben, disons qu'on essaye d'être le moins reconnu possible. C'est pour ça que j'ai demandé d'avoir la face en moustiquaire, là. Mais c'est un moustiquaire qui protège pas des bébites, par exemple, comme on peut voir, là, ici. Oups. OK, OK, on va aller dans la salle poser des questions. Tiens, le monsieur inintéressant, allez-y, monsieur. Non, j'ai pas de questions. Es-tu cute? Il n'y a pas de questions. Gros tâton, va-t'en, site! On est appelé rating, site. Oui, la madame en bleu. Mon Dieu, que ça vous grossit, ce couleur-là. Allez-y, madame. Merci. Je voudrais savoir, avec vos clients, là, est-ce que vous pratiquez le coït? Ça fait 20 ans que je fais ça, madame. J'ai plus besoin de pratiquer. Ah! Oh, que c'est bien répond! Bravo! On l'applaudit! On l'applaudit! Bravo! Hey! T'applaudis pas, toi? Sors d'ici. Exactement. Ah ouais, le gros bébé pourri. Va-t'en chez vous. Alors, Joanne, en terminant, est-ce que c'est un métier difficile que le tien? Oui, c'est très difficile. Mais moi, mon but dans la vie, c'est d'aider mon prochain. Et mon prochain, c'est dans 15 minutes. Fait que faut que j'y va. Alors, merci, Joanne, d'avoir excité ma région de la curiosité. La semaine prochaine, mesdames, mon sujet, un sujet brûlant. Un push-push miracle contre les pères abuseurs d'enfants. Et ça s'appelle l'incesticide. Merci beaucoup. Je vous aime. Ah ouais, debout! Ah ouais! Ah ouais, debout! Debout, debout! Il arrive fréquemment dans la vie d'une femme d'éprouver des irritations au niveau de son hygiène intime, c'est-à-dire que la noune lui pique. Moi, par exemple, en ce moment, ça me pique tellement que je suis même pas capable de bouger mes lèvres de bouche en même temps que mes mots. C'est pourquoi j'utilise le nettoyant féminin Vasegil pour dissoudre les graisses et les dépôts. Ces enzymes gloutons éliminent les cernes qui s'accumulent sur les parois féminines, ainsi que le bain et le lavabo, tout en laissant une fraîche odeur de citron dans les canalisations. Le nettoyant Vasegil, pour le confort de votre intérieur. Tout reluit de propreté et je n'ai plus honte de recevoir des amis. Vasegil vient avec un applicateur spécialement adapté au contour féminin. Pile non incluse. Ah oui, Vasegil. Ça sent maudit de faire cette commission-là, ma femme. Mais qu'est-ce qu'elle veut que tu y achètes encore, là? Un manteau de fourrure? Un char? Des serviettes sanitaires. Oh boy, c'est pire. C'est assez gêné. Ah, inquiète-toi pas, là. On va dire que c'est pour moi. Ah, oh, mais je sais. Lesquels ça y prend, là? Elle dit la boîte rose. Ah, oh, ben, la tabarnouche, elle nous a eu. Always, never, tomorrow maybe, don't touch me today. Coudonc, y'a-tu autant de sortes de serviettes qu'y a de sortes de femmes? Je sais pas, moi, j'ai juste deux blondes, pis c'est pas ça que je regardais. Qu'est-ce que tu regardais? La porte. Bon, OK. Calmons-nous, là. Il y a des mini, des midi, des maxi, des stéfruits. Regarde-ci, des maxi-mini. Maxi-mini, c'est-tu des très petites ou des légèrement grosses? Ben, ils disent pas. Ça doit être pour les petites grosses. Oh, oh attention, c'est quelqu'un. Liberté nouvelle. Ah, ça, c'est pour les femmes divorcées, ça. Bonjour, messieurs. Mon nom est Karen. Est-ce que je peux vous aider? Oui, c'est pour des serviettes sanitaires! C'est ça, là, mais moins fort. Les serviettes. C'est pour un cadeau. Oui, les femmes aiment bien ça. Hey, vous avez à peu près la même taille que mon épouse, là. Peut-être si vous les essayez. Ah, ah, oui, oui. Il me semble que vous avez le même galbe dans la région confort. Alors, on a ici le modèle avec protège dessous. Protège dessous. Mais ça, c'est comme un tapis sauf pantalon, là, mais à un autre endroit du pantalon, plus haut. T'sais. On a aussi le modèle aéro-sec. Oreo sec. Hey, ils font des serviettes à saveur de biscuits. Hey, n'avez-vous au goglu? Hey, feuilles d'érable. Hein? Mais ça me semble que ça épouse mieux la forme. Là. Non, moi, j'ai épousé la forme, mais la forme de mon épouse a changé. Alors, quel type de serviette désirez-vous? Eh bien, je recherche une serviette qui me permette de faire de l'équitation sur la plage et de me baigner tout en restant fraîche. C'est vrai que la fille dans l'annonce, là, elle est très, très fraîche. Hey, parlant d'annonce, là, avez-vous remarqué dans les annonces de serviettes, là, le liquide qu'ils font couler, là, il est tout le temps bleu? Vous, là, madame, si ça coule bleu, là, vous mettez-vous une serviette ou bien vous courez direct à l'hôpital? Hé, hey, les sans-dessins, arrangez-vous donc vous-même! C'est parti. As-tu remarqué, toi? À chaque fois qu'il est question de menstruation, là, les femmes sont tout le temps maudites. Hey, gars, on va prendre celle-là, la boîte est rose. Hé, hey, ultra maxi extra big size pad. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas content, je m'en servirai comme patte de goaler. Tu te la mettras sur la tête quand on va te bûcher dessus. Bon appétit! Bon appétit à la maison! Bon appétit, ma grande! Bon appétit, maman! Ah, oh, c'est le fun que tes cheveux, c'est fluffé comme une mop! Oui, et c'est très pratique pour nettoyer ces hauts d'armoire, Marie. On est comme ça, nous autres, les taille-fer. On n'est pas capable de s'empêcher de vous faire partager nos affaires plates. Hé, hey, maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Oh, t'en rappelles-tu, maman, comme c'était bon quand on était petite? Ça, là, Marie, là, elle aimait tellement ça, la petite bonhienne. Elle venait toujours en piquer sur le comptoir à chaque fois que j'avais le dos tourné pour prendre mes tranquillisants. Ben oui, c'était dans le temps que papa te trompait. Il l'a tellement trompé. Tu sais, Marie, les hommes, là, c'est comme ça. Faut toujours qu'il y ait un certain moment dans la cuisine d'une autre, voir si ça goûte meilleur. Mais finalement, ton spaghetti au fromage en tranche, le ramène au foyer. Ah, j'ai joué que t'es tout double. C'était ça ou mes croque-monsieur au ballonné? Ah, oh, ça, le René en raffole. Ah oui, ma petite tarte au raisin. Donne les ingrédients des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Alors, mesdames, on prend des notes parce qu'il y a bien des affaires. Tout d'abord, des petites saucisses hot dog. Ensuite, de la sauce VH. Et ça, là, dans une fête d'enfants, là, t'es beau de petites saucisses hot dog dans la sauce VH, puis t'es entends plus de la journée. Hey, pourquoi c'est si compliqué des fois la cuisine, maman? Vous autres, les jeunes, là, vous avez tout cuit dans le bec. Nous, là, dans notre temps, Maggie, là, on n'avait pas de faux micro-ondes puis de congélateur. On dépeçait notre dinde avec un rouleau à pâte. Hey, veux-tu que je coupe tes saucisses? Brûle pas les étapes, ma grande. Dévisse le pot de sauce VH à la place. C'est jamais comme qu'on dit. Ah, ça, là, mesdames, il y a un truc quand c'est jamais comme qu'on dit. On donne des petits coups sur la pentée, comme ça. Puis c'est pas grave, les petits morceaux de vitre, parce qu'il y a plein de vitamines là-dedans. Oui. Alors, on verse la sauce VH dans le plat. Ah oui, Maggie, coupe les saucisses. Oui, maman. Et on va les mettre dans le four micro-ondes jusqu'à temps que ça fasse des ballons. Ah, oh, ça, là, la saucisse crue, là, c'est assez bon. Et c'est parfait pour les végétariens. Il n'y a pas de viande là-dedans. Mais si tu t'es demandé, maman, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, des saucisses? Ah, bien, t'es aussi bête de pas le savoir, ma grande. Maggie, dans l'autre sens qu'on coupe les saucisses. Oh mon doux, on dirait que j'ai laissé ma tête au salon de coiffure. Bon, alors, on arrive avec notre sauce qui a bien bouillonné et on garnote les petits bouts de saucisses dans la sauce VH et ça donne, comme par magie, des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Ah, oh, ça, là, René en raffole. Oh, c'est un plaisir de le voir manger de la saucisse. Il aime tellement ça. Hey, c'est déjà fini, maman. Oh non. Alors, mesdames, demain, préparez-vous. Parce qu'on va faire cuire des petits biscuits Pillsbury dans lesquels je rajoute des Smarties. Mercredi, on va faire bouillir de l'eau au micro-ondes. Et ça, c'est pas évident, mesdames. Jeudi, on va beurrer une toast sans dépasser de la croûte. Et vendredi, à la demande générale, je vais refaire mon spaghetti au fromage en tranche pour ramener mon mari à la maison pour la fin de semaine. Bon appétit! Bon appétit! Hé, hey, maman, va falloir laver la vaisselle. Une chance que j'ai mon Tide. Voyons. Pop, sac à vis, au sec, petit copain. Moi, là, supposons qu'il y a un accident de machine, puis un gars qui s'est fait écrapou. Ben moi, je veux voir les photos de l'écrapou. Je m'en sac du texte. Le journal de Montréal. Nous autres aussi, on s'en sac du texte. Moi, quand je visite une ville dans le Québec profond, je commence toujours par visiter un radioscope, ce qui vous donne une idée de mon quotient. Mais permettez-moi de me caler davantage. La chose qui est fun chez radioscope, c'est que dans n'importe quelle ville, tu retrouves les mêmes petites gogosses de gadgets à quatre fois trop cher quand tu sais pas quoi acheter à quelqu'un qui a pas de goût. Des batteries qui durent 3 minutes, des ampoules qui rentrent pas dans les slots, des dimmers de frigidaire, des tapes deck 8-track pour écouter des vieilles cassettes d'Engelbert en pudding, des systèmes de son pas de son, des magnétophones que le couvercle débarque tout seul, des ordinateurs garantis 2 semaines, des montres que tu vas dans l'eau avec, adios, des répondeurs que ton message dure plus que 2 secondes, oublie ça. Vous avez toutes les sortes de marques cheap possibles. Kendall, Juliette, Realistic, Wawanesa, Scrapomatic, Walmart, Cochonneries, Garbage, Pakistanese et Fuck a Fuck. Moi, madame, en tant que puceau de 34 ans, que aucune fille veut rien savoir d'eux, j'aime bien aller et venir dans les rangées du Radioscope, car c'est le plus proche que je me rapproche de la sexualité. Hey, monsieur, dis jamais que Radioscope, c'est de la merde, OK? Parce que si tu compares Radioscope à de la merde, ça se pourrait que la merde poursuive Radioscope pour diffamation. Fait que si tu passes par Amqui, Maniwaki ou n'importe quelle ville où il y a juste 3 noms de famille et que tu veux t'acheter de l'électronique, tant pis pour toi, mon homme, parce qu'il y a juste un Radioscope. Écoutez, là, M. Caron, là, c'est une formalité, ce rapport d'impôt-là, là. Énervez-vous pas. Non, mais c'est parce que d'habitude, M. Bloch, c'est ma bru, elle s'occupe de tout. Mais là, elle est partie à Bitten Beach, là, en Floride, là. Hey, si tu veux, ça va me coûter juste 5$. Oui, juste 5$, mais plusieurs fois. D'accord. Votre nom? Caron. Prénom? Monsieur. Numéro d'assurance sociale? 3, 15, 16, 23, 44, complémentaire 4. Adresse? Adresse? Je voulais demander mon adresse. Tiens, je m'en rappelle plus. Écrivez dans l'hôpital Notre-Dame, là. Je vais tous les mois. Ville, village ou municipalité? Ville. Occupation en 1986? On verra rendu là. Le 31 décembre, étiez-vous célibataire, marié ou veuf? J'étais malade, là. Mais malade, là. J'ai fait une gastro en terrine de foie, juste dans ma domaine, ici. Ah, mais c'est pas déductible, ça, Monsieur Caron. Déductible, c'est les petites pilules bleues, ça, déductible. Si vous n'avez pas résidé au Canada, inscrivez votre date d'arrivée. Ah, là, j'étais avec ma bru à Haut-Lacheur le 3 juillet. Revenu après dividende? Non, revenu après le 10 juillet. Bon. Pourboire non indiqué sur vos relevés. Pourboire, c'est 25 cents, non, 15 cents à Denis, là, le petit gars du dépanneur, là. C'est fatigant. Monsieur Caron, avez-vous des rires ou des réa? Non, non, j'ai juste ça. Des Oreos. Ça, là, il y en a des doubles plus maintenant. C'est très bon. Monsieur Caron, avez-vous votre T4 pour votre pension? Mon T4. Votre T4. Ça doit être ça ici. C'est une enveloppe de... Monsieur Caron, ça, c'est le sweepstake du Reader's Digest. Oh, le sweepstake du Reader's Digest! Votre T4, Monsieur Caron. Le T4, ça doit être cette autre enveloppe-là, je sais. Qu'est-ce que c'est ça? Revenu supplémentaire comme déménageur. Ça, là, c'est ma bru, m'a demandé de signer ça, puis elle m'a dit de pas vous le dire. Monsieur Caron, quel est le total de vos frais médicaux? Le total, bon, ça ici, là, ça, c'est mes tickets de caisse de la Pharmescro Jean Couteux. Janvier. Février. Mars jusqu'au 18. Non, c'est en mars, Monsieur Caron. Ça Monsieur va? Caron, à cause de votre état, là, vous êtes éligible aux déductions relatives aux personnes aveugles ou retenues au lit ou dans un fauteuil. Non, ça marche pas parce que c'est une chaise de cuisine. Monsieur Caron, signez ici, là, puis chez HR Bloc, on va vous remettre en argent comptant le montant auquel vous avez droit. Non, mais c'est parce que, Monsieur Bloc, j'ai rien sur moi. Je peux-tu vous faire un chèque?